vous pisse à l'arrêt. Méchant et peu malheureux, les sourires de nos frères purent en paix. Dans les tombes, les frères de la rue, on vient creuser, percer nos trappes. Une putain de cam, trop dieu l'Erix, pour mes disparus j'ai les nerfs. Tiens ma pierre sur cette terre, trop lourd d'apporter, je lutte sous la porte de mes vrais frères. J'ai du mal à penser près des armes, subis les drames, les tueries hardcore et drogue des morts. Radical lyrique, c'est mort, c'est mort. C'est pour mes disparus qui ont vécu la vie, la rue, qui ont vu le bis, l'arme blanche, le QG, le hall, l'illicite blanche dans cette vie de rue où tout petit ça braque. Oh, 9 mm dans les coins sombres étroits où les petites prennent comme à pas, ça viole, vol, viole les lois. C'est pour mes disparus d'escroqueries, de cris, de crash en moto, de poursuites de justiciers à l'affût de Schmitt, terrain miné, substances illicites, au suicide de corps dehors, je veux plus voir ça. Le départ reste toujours difficile. Difficile, difficile de vivre avec un mort dans la conscience. Le plus dur c'est d'encaisser ces épreuves. Certaines finissent veuves et d'autres orphelins seuls, placés à la tasse dans ces circonstances. Ne perds jamais la raison, remets-toi à Dieu avant que l'ange de la mort prenne ton âme. Prête toujours attention aux frères muses qui font le rappel, rappelle-toi, rappelle-toi. Oublie pas, et surtout néglige pas ta religion. Et surtout néglige pas ta religion. À la famille et aux amis, à tous nos disparus, j'boucasse des dix. À la famille et aux amis, à tous nos disparus, j'boucasse des dix. Ce son, oh oh, j'vous dédie ce morceau. Oh oh, j'vous dédie ce son. À vous il est. À la famille et aux amis, à tous nos disparus, j'boucasse des dix. Clin d'œil à tous nos disparus. Repose-les en paix, tant de vie disperdue. L'ange de la mort toquera même à ta porte et ça sans remords. Pour lui peu importe, on est, on vit, on meurt. La plupart du temps, souvent on meurt. Ici je m'adresse à tous, noir, blanc, jaune, on partira à tous. C'est pareil partout, la mort frappe pour vos riches. Que du gras, du caviar ou du riz, pas différence entre flic ou voyou. Pour ce parti, je dis L.A. et L.A.F.M.O. Pour nos disparus, tous ceux qui m'ont vu grandir, qui m'ont vu en larmes avec le sourire. Les frères se détruisent, ils ont vu puiser le sang dans les rues. J'ai de la haine, de la peine, j'avance en silence. Une pensée, des larmes, dans tous les sens j'avance. J'ai touché le fond, franchi le seuil. Une minute de silence pour un jour de deuil. Trop de haine, trop de peine. Quand je vois mon pote en larmes, il a ses yeux pour pleurer, ma plume pour écrire, la famille pour nous soutenir. À la famille et aux amis, à tous nos disparus, j'boucasse des dix. À la famille et aux amis, à tous nos disparus, j'boucasse des dix. Ce son, oh oh, sous des dix morceaux. Oh oh, sous des dix ce son. À vous il est. À la famille et aux amis, à tous nos disparus, j'boucasse des dix. Hadem le mensuga keduna, birim katinkan kota, kubeni geta gasa saba, anana janta pida, ou victime de la route. Ceux qui sont morts dans leur sommeil, tous ceux qui sont partis subitement, ou atteints d'un cancer. Parce que dans ce bas monde, qu'une vie à vivre, petit faut réagir. Faut que tu prennes soin des tiens, pendant qu'il encore ton frangin. Tu sais qu'à beau souvent, je pense à toi. Même si j'ai du mal à vivre, des fois moi et Killer on parle de toi. Je nous manque mon frère, je me rappelle. On était une famille, famille Kamara, famille Diallo, famille Jaguada, Lira, Mekaye, Bayame. Jouer la corde à sauter, comme des frères et sœurs. Tous ensemble on jouait la balle aux prisonniers. Souvent tu me cherchais mon frère sale pour aller taffer au marché. Toujours le sourire aux lèvres et la haine d'un côté. Tes petits frères ont grandi, Amadou et Baba. Comme toi, ils ont toujours le sourire. Je sais que t'aurais pas aimé qu'ils soient tristes, mais c'est la vie. Mais c'est la vie. J'honore nos morts, juste un moment, le temps d'un slow mort pour qu'on commémore. J'écris contre l'oubli, je rappe, c'est ma thérapie. Quand d'autres exorcisent avec la tise ou en cramant une bougie. Parti dans le vent, un corps sans âme, 21 grammes plein de c'est navrant. Gagné pour une idée ou d'une balle perdue. Avance à 20e année sans avoir même vécu. Le pire, c'est de pas jahed avant de mourir. On se reverra tous le jour J, ça, ça va sentir. Mais d'ici là, je fais une dua, d'ici bas, pour vos âmes dissipées, reposez en paix. À la famille et aux amis, à tous nos disparus, je vous casse des dits. À la famille et aux amis, à tous nos disparus, je vous casse des dits. Ce sont, oh, oh, tous des dix morceaux. Oh, oh. À vous idées, à la famille et aux amis, à tous nos disparus, je vous casse des dits. Modibo, Koulibaly, Sardou, Gary, Boubacar, Soumaré, Hicham, Fredika, Bouna, Ziyad, El Hafid, Abdelrahman. Je les agrée.